ce texte. Vous parle de ma life car souvent ça va mal et tout ce qui me reste sont mes disques, disques d'or ou disques de platine. En fonction des streams, risque de mort, risque de patiner. En fonction des déprimes, une année compliquée en trahison et blessure, une année combinée entre illusion et luxure. Certains voulaient que je rappe ça, d'autres je rate ça. Pour mes bacs tout repeurement, il fallait que je représente ça. Fallait que je me surpasse, faire gaffe car le temps passe. Petit à petit j'ai oublié que ce milieu était lâche. On m'a fatigué, ils ont profité de la situation. Bah ouais, je suis une resta, je dois éviter les coups de gueule. Donc je peux pas crier. J'ai vu des centaines d'amis avec l'ennemi traîner, s'allier, cracher sur mon dos jusqu'à s'égosiller. On s'en tape de ma life. Ouais, je sais qu'au final je devais céder ma place. Tout en haut du podium, pas besoin qu'on valide. Pas besoin, j'ai ma team, pas besoin de compagnie. Merde, je me demande ce qui m'arrive. Certains se marient pendant que moi je choisis mon odieux. Donc c'est ça la vie, c'est ce rêve que vous me vendez. C'est pour ça qu'on demande à tous mes principes de se barrer. Ouais, puis de parents séparés, j'ai dû grandir sans daron. J'ai dû saisir ma chance, fallait pas me passer le ballon. Mélancolique, à défaut de devenir alcoolique. On m'a envoyé une bombe et c'est moi qui ai signé le colis. Son emballage était beau, j'avoue c'était gros. Envie d'arracher le carton pour qu'au final ça passe doux. Et ça fait mal de savoir qu'on me néglige. Ça fait mal autant de haine pour autant de plaisir. Parce que je kiffe mon public, je kiffe la musique, je kiffe m'amuser. Mais la peine est dure à purger. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. On est le 20 janvier et soudain je pense à ma mère. Je me demande comment faire pour continuer de la rendre fière. Va-t-elle apprécier ce texte ou s'en défaire? Va-t-elle verser une larme en écoutant sa fille se perdre? C'est mon bijou, c'est ma reine, mon ciel dans la marelle. Et quand j'aurai des gosses, ce sera la grand-mère et ma reine. De plus en plus inquiète pour sa fille, pas tout le temps des choix faciles. Peur que ce monde me fascine et quand lui je prenne racine. Ça fait pas qu'un an que j'ai pas fait de ciné, deux ans que j'ai pas fait de dîner, deux ans que j'ai mal au dos, deux ans que j'ai pas fait de kiné, deux ans que j'ai pas fait de virer shopping entre copines, deux ans que m'amuse à virer tous les membres de ma team. Avec le combat n'est pas facile, souvent l'argent flanche et parfois ce monde est fascine. Je leur ai reproché toutes sortes de choses, chercher les causes, marquer une pause pour les faire réagir, mais à chaque fois leur cœur explose.